Et je vous salue ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Le frère de Maïba, en Zambie, le frère de Solwezi, tous ils m'ont chargé de vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore rempli de joie de vous voir encore ce soir. Je vais prier. Dieu Saint, Dieu notre Père, te disons encore merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour tout. Regarde Dieu, tu nous as gardés. Ça fait très longtemps que nous sommes séparés avec mes frères. Mais tu nous as accordé encore l'opportunité de nous revoir. Merci pour tout ça. Nous sommes ici, c'est pour écouter ta parole. Alors descends et parle avec nous. Parle à nos cœurs. Que nous soyons bénis du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous levons pour la lecture de la parole. Genèse 24, 56. Mwanzo makumi mbili na ine, mustari yake makumi tano na sita. Il répondit, akawajibu, ne me retarde pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Sababu wa milena na wezesha safari yangu. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Niache niende kwa bwana yangu. Alors il répondit. Sasa akajibu. Appelons la jeune fille et consultons-la. Tumuite binti na tumuulize. Ils appelèrent donc Rebecca. Wakamuita basi Rebecca. Et lui dit. Nakawambia. Peux-tu aller avec cet homme? Eti unataka kuenda na umutu? Et répondit, j'irai. Rebecca kawajibu ntaenda. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur. Na wakamwacha Rebecca dada yabo. Apate kuenda. Na ule nourisu wake. Avec les serviteurs d'Abraham et Jean. Pamoja na kijaki kufanya kazi wa Ibrahim na watu yake. Ibeni Rebecca et lui dit. Wakambariki Rebecca na kumwambia. Oh notre sœur. Oh dada yetu. Puisses-tu devenir des milliers de myriades. Upate kwa uzidishe kabisa. Et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Na hata uzao yako ipate kushika milango ya adui wake. Mungu abariki kusoma maneno. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Taikala. Nous allons nous mettre. Et le sujet de notre prédication était intitulé Possédant les portes de l'ennemi. Mwenye kushika milango ya adui. Possédant les portes de l'ennemi. Mwenye kushika milango ya adui. Hii tunatokea kusoma ni mambo ile rifuashikaka pa dunia. Ce que nous venons de lire, ça s'est passé sur la terre. Na Rebecca. Avec Rebecca. Isaac Abraham a quoi besoin à Kumora Isaac Bibi. Abraham devait prendre une femme pour son fils. Et il a envoyé son serviteur Eliezer pour aller dans leur pays afin de chercher une femme pour son fils. La famille d'Abraham. Alors que Eliezer a trouvé Rebecca, il a dit aux frères de Rebecca, sa mère, ses frères, comme j'ai trouvé Rebecca, laissez-moi alors rentrer à celui qui m'a envoyé. Et comme c'est Rebecca qui devait aller en mariage. Allez, c'est bon. Attendez qu'on puisse appeler la jeune fille. C'est qu'elle dira. Et c'est ce que nous ferons. Rebecca n'a pas. Alors que Rebecca est allée. On a posé la question, veux-tu aller avec cet homme? Elle a dit, j'irai avec lui. Et quand elle a accepté. C'est alors que ses frères ainsi que sa mère. Ont prononcé ma parole, il y a bénédiction. Ils ont prononcé maintenant des paroles de bénédiction. Retournons au verset 60. Ils bénirent Rebecca et lui disent. Oh notre soeur. Oh Daraïtu. Puisses-tu devenir des milliers de milliers. Upate kuzidisha ukuwa mingi kabisa. Et que ta postérité. Na hata uzao yako. Possède la porte de ses ennemis. Upate kushika mlango wa adui yake. Masuwe ya mzuri sana. C'est bon souhait. Ima souwe, et ses souhaits, sur ses enfants. Alléluia. Amen. Parce que lui aussi, il a fait avec Abraham. Abraham a pris la décision de suivre Dieu. Lorsqu'Abraham a pris la décision de suivre Dieu, Abraham, Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera aussi les portes de ses ennemis. Disons ça aussi. Mwanzo makumi mbili na mbili. Mwanzo makumi mbili na mbili mstari wa 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Mara ingine tena malaika wa mbingu akamwita Abraham kutoka mbingu. Et dit. Na akamwambia, je le jure par moi-même. Na kulapia kupitia mimi mwenyewe. Parole de l'Éternel. Neno la milele. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas une autre personne. Mungine, quand Dieu dit, wakati Mungu anapa, il n'y a personne qui peut changer cela. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Ma saouti à Mungu, la parole de Dieu, qui que tu sois, tu ne peux jamais renverser cela. C'est la vérité que Dieu l'a prononcé. C'est la vérité. Nous, nous comme les enfants de Dieu, nous devons rester seulement sur ce que Dieu a dit. Parce qu'il n'y a que de paroles de Dieu qui sont vérité. Si il y a quelque chose que nous devons suivre, c'est là que se sert les paroles de Dieu. En agirait par lui-même. En allant pour obtenir mieux. Parole de l'Éternel. J'aime Job. Job a toujours dit, Mungu kama anasema, lorsque Dieu prononce, qui peut changer, et qui viendra dire à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Lorsque Dieu agit, personne ne peut lui poser la question. Donc, pourquoi tu agis comme ça. Ne donne pas l'explication à une personne. Mungu ekalake na ulo ateke pacha mafasilio. Quand il agit, wakati anatenda, et qu'on attende mouye moya, il agit dans son bon plaisir. Ici c'est lui-même qui gère. Apa niye mwenye njo analapa. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je te multiplierai ta postérité, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui sont sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte des ennemis. Celui qui a prononcé, ce n'est pas un homme ordinaire, c'est l'Éternel lui-même. Alors ce que Dieu a dit, qui a le droit de l'échanger, lorsque Dieu a déjà dit, même si le grand-parent vient et parle, la mère vient et parle, ce qui va s'accomplir, c'est ce que Dieu avait dit. Il a prononcé ses paroles sur Abraham. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire votre attention sur une chose. Avant que Bele, le frère et la mère de Rebecca puissent prononcer ses paroles, les paroles de bénédiction, Baraka, il devait d'abord entendre la décision de Rebecca. Mupango ya Rebecca. C'est sur base de sa décision. Ni yule ya ile mupango Rebecca ibeba. Josa mama yake na mandugu yake. Des paroles de bénédiction. Baritosha misemo ya. Alléluia. Amen. C'est sur la décision. Ni yule ya mipango ya Ibrahim. Que Dieu Jo pale Mungu alisema mabaraka yulu yake. C'est sur votre décision. Na wewe ni mupango ya que Dieu Jo Mungu accomplira atatimiza malango yake sur vous. Yulu yenu. C'est la vérité, l'induku, avant de parler, Rebecca, il fallait d'abord que Rebecca elle a pris une décision de suivre cet homme y a quoi, sa famille, d'abandonner sa famille C'est la vérité. Nous quoi. Si elle n'avait pas pris cette décision, et ses paroles de bénédiction, on ne devait pas les prononcer sur elle. Même Abraham. Attends Abraham. Nous ne sommes pas d'abord ici, on parle d'Isaac. Avant que tout ça puisse arriver, d'abord Abraham, il a pris la décision de quitter sa patrie et suivre Dieu. C'est lorsque qu'Abraham a pris la décision. Et c'est voilà que toutes les bénédictions des dieux ont commencé à accompagner Abraham. Église, êtes-vous ici? Retournons maintenant au débit. Toujours Mouanzo. Genèse 12. Mouanzo m'a kouminambié. Écoutez. Mouchigi. Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Soit qu'il y a quoi? Ou amélioré comme bien Ibrahim. Sois-t'en de ton pays. Akamwambia Abraham, toka mwichi yako. De ta patrie. Mwichi yako. Et de la maison de ton père. Na mnyumba baba yako. Dans le pays que je te montrerai. Mwichi, wende mwichi ile nitakufundisha. Mungu anaita Abraham. Dieu a appelé Abraham. Asikumforce kumusukuma. Il lui a pas forcé de quitter. Il lui a appelé. Abraham. Et il a laissé Abraham de prendre la décision lui-même. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un vrai démocrate. Il ne force personne. Lui, il envoie ses mains sa parole. Tu veux, tu suis ses paroles. Tu ne veux pas, tu abandonnes. Et lorsque tu abandonnes, il n'a qu'à au mouillé. Ça ne regarde pas Dieu. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, tu suis cela, c'est toi qui seras sauvé et c'est toi qui seras béni. Va-t'en de ton pays. Et voici là où je vais te montrer. Abraham devait prendre la décision. Parce que ben, mipango. Mes frères et sœurs. En tout cas, on va dada. On n'a pas ça, vous voyez actuellement. C'est facile. Il est pays, quelqu'un de croire un peu à pourquoi? Jésus. Pourquoi? Vous voulez allumer votre radio. Il y a un prédicateur à la radio. Jésus-Christ, il est mort à la croix. Et tu entends. En cours de route ici, quelqu'un fait en passant. Jésus-Christ est mort pour voir la croix et tu as écouté. Mais la kini mouakati à Ibrahim a coucouillé par évangéliste. Il passait Mouamini wa milele. Il n'y avait personne pour faire ça. C'était aussi la première fois. Il croit ni mal à Kwanza. Abraham. A écouté la voix de l'Éternel. Anasikia sauti ya Mwamilele. Mala ya Kwanza. Pour sa première et fois. Et il n'a pas hésité. Na achikushite shiku. Anasikia. Il a écouté. Na anatoka. Et il a obéi. Il a décidé. Et c'est la décision, c'est sa décision. Qui a fait qu'aujourd'hui, nous prêchons avec l'histoire d'Abraham. C'est la vérité. Nous quoi. Sa propre décision. Yake ye tu ne peux pas Awezi. Posséder les portes de Kushika tes ennemis. Ya si tu n'as pas encore décidé de quitter et de suivre Dieu. Jamais. Akuna kamwe. Ces promesses ici, Abraham, les a faites sur Abraham. Et après avoir sorti. Alléluia. Amen. Ni pas la natoka, et c'est lorsqu'il a, il a sorti, c'est alors que les bénédictions se sont mises à le suivre. Première fois Mara Kwanza il a écouté. Première fois na Mimi. Pour la première fois il a cru. Première fois na et Mara Kwanza il est sorti. Arikwa mouinchi lebe on a boudou mastanam. J'étais dans un pays où on adorait les statuettes, les idoles. Il n'attendait pas parler de Jéhovah. Donc, pour lui, Abraham, il était la toute première personne dans ce pays. Peut-être de connaître le nom de Jéhovah. Abraham, c'est quoi? J'ai entendu Jéhovah m'a dit, il m'a demandé de quitter mon pays. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de partir. Est-ce que tu connais ces dieux-là? Je ne le connais pas. As-tu déjà vu ces dieux-là? Je ne sais pas. Si Abraham avait vu Dieu en vision, je ne sais pas, il avait vu comment, on ne sait pas. Rebecca Naye. Tu connais cet homme? Est-ce que la mouille je ne le connais pas. Si à Monaka. Et je ne l'ai jamais vu. Et c'est pour la première fois. S'il va aller me tuer. Si je m'en fous. Abinyangari. Ça ne me regarde pas. Mais moi je crois que cet homme qui est venu, c'est celui qui a pris ma destinée entre ses mains. Alors je vais le suivre. Et a pris la décision. Arrivé à Mupango. Abraham même. Abraham a vu le il devait prendre la décision. N'est pas à Mupango. Pour quitter sa patrie. Je suis gotoka. Et si je suis là, ah, ça qui peut foutre en fata. Elle dit, je vais m'en aller. Où les yatanyonesse. Là où il va me montrer. Il est parti. Et en tout cas. Ce n'était pas facile. Aïe quoi que pèse, aïe quoi que teke, quoi le bambou. Mais quand même Abraham. Mais qui Ibrahim. Il a suivi cette voie. Aïe fata, il est parti. Il est parti. Na arenda. Qu'est-ce qu'il dit? Naïvi. Après avoir quitté. Qu'est-ce qu'il t'a fait? D'abord, Dieu lui a dit de quitter. Des frontières. Et après il dit maintenant, je ferai de toi une grande nation. Quand est-ce que tu seras une grande nation? C'est quand tu quitteras. Alléluia. Amen. Mais le toka, d'abord quitte. Tommy et Mintatenda. Et alors que moi je vais agir. Comment où y a toka? Et si tu ne sors pas, Mintatenda. Et je n'agirai pas aussi. Je ne pouvais pas agir. Mungu akuwezi kutenda. Wakatiyo Ibrahim. Alibakia muichi yake. Alléluia. Amen. Mungu atatenda. Je ne peux pas agir. Parce que toi, tu es encore dans le monde. Même si vous chantez. Même peu importe ce que vous pouvez faire. Mais Gama ou Yatoka. Mungu atatenda. Parce que la bénédiction. Ta baraka. Accompagne. Ceux qui ont obéi. Nibale bariti. Comme Abraham. Pas Ibrahim. Tiens des frères. Avançons donc. Je ferai de toi une grande nation. Na takufanya utakuwa taifa mkubwa. Et je te bénirai. Takubariki. Tout ça pourquoi? Ile yote jua nini? Quand est-ce que je le ferai? Wakati utafanya. Wakati utatoka. Je rendrai ton nom grand. Na jina yako taifanya itakuwa mkubwa. Et tu seras. Na utakuwa. Une source de bénédiction. Chemu ya mabaraka. Mungu anaanza kumproposer vitu. Et Dieu commence maintenant à nous proposer les choses. Alléluia. Amen. Mungu anampatia mbele butamu. Tu vas donner d'abord le goût. De ce qu'il va faire. Quand nous écoutons la parole, vous voyez qu'on a stimulé Emmanuel notre foi. Il est en train de nous donner les goûts des choses qu'il va faire pour nous. C'est à cause de ça. Mais quoi dit il est Abraham l'a suivi. Je parle Ibrahim a refait. Nous sommes ici, nous courons. C'est parce que Dieu nous a promis d'aller au ciel. Disons-nous la vérité. Si Dieu ne nous a rien promis, qu'est-ce qu'on devait venir faire ici? Si le politicien ici, les menteurs. Ils ont rassemblé les gens dans une maison et les gens sont venus parce qu'on les avait donné des 1000 francs et c'est passé encore 6 000. Il est capable de nous encore 5 000 avec des polos. Les gens iront suivre ces politiciens. Maintenant, notre Dieu, lorsque il nous rassemble, et qu'on ne peut pas. C'est la vérité. Nous quoi? Parce que Dieu ne parle pas comme des autres. Ça va. Moi, je peux parler. Mimi n'est-ce que c'est ma? La force d'agir. Mais qui m'a dit que vous allez me tenir? Mais il a la force est à lui. Gouvou y condamne yaki. Il est au ouest de Yote. Wakati a nasema. Na eko kumtonga la sauti yake. Lui a kuitimiza. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que très bon. Procédant les portes de l'ennemi. J'ai Kamilango aujourd'hui. Tant de frères. Avançons du coup. Il dit. Asim. Je bénirai ceux qui te béniront. Balo ata kubariki nte babariki. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Na balo ata kulani nte balani. Et toutes les familles de la terre. Na majama yote pa dunia. Itabarikiwa mudani yako. Alléluia. Amen. Abraham parti. Abraham a kaenda. Comme l'Éternel. Paka vilo anelele. Ali mwambia. Ces choses que on m'a dit par ces yeux. Je ne peux pas les laisser à quelqu'un d'autre. C'est lui qui a dit. Et je ne lui ai jamais vu. Je ne lui connais pas. Et comme c'est lui qui s'est révélé à moi. Je laisse tout ce qui m'appartient. Et je vais aller suivre ces yeux. C'est vrai. Nous quoi? Et Dieu aime ça. Namung anapenda kaile. Mungu anapenda kaile. Dieu aime ça. Regardez. Nous, mon gari. Quand Jésus était mort. Wakati Yesu alikufa. Nous on n'était pas là. Chatukuyeku. Inayarguyaka. Qui était là? Makuna. Personne. Même si quelqu'un a 100 ans, le jour où Jésus était décédé, il n'était pas là. Nous ne l'avons pas vu. Nous lisons seulement, on nous a prêché et nous croyons. Même quand Branham était sur la terre, moi quand Abraham Branham n'a pas donné, nous, on l'avait pas vu. Nous n'avons même pas vu ce qu'il a fait. Nous avons lu, on nous a prêché et nous croyons. Baël, tu crois? Baël est ton ami, il a couronné. Abraham il est sorti. Abraham a ritoka. Sans toutefois voir Dieu. Sur base de sa décision. Il n'a même pas décision. Je prends la décision. J'abandonne ma famille. J'abandonne mon pays. Et je vais suivre Dieu. Il est parti avec Dieu. Et la bénédiction. Na baraka. L'a suivi. Il est moufata. Dieu aime ça. Tous ceux qui ont marché avec Dieu. Ils ont pris la décision. D'abandonner leur patrie, d'abandonner leurs habitudes, de marcher avec Dieu. Si tu ne prends pas cette décision, la bénédiction, baraka, la promesse de Dieu, wala malako ya ne marchera pas avec na toi. Aita tembea pamoja na wewe. Na hauta onaka mkono ya Mungu ni maisha yako. Dans ta vie, tu ne verras jamais la main de Dieu. Parce que Mungu wetu anekalaka jalou. Notre Dieu ni wabuivu. Nous l'appelons le Seigneur. Na kuna Bwana. Le Seigneur c'est celui qui domine. Ni ule eko na tawala. Et personne. Na hakuna mutu. D'abord, sur la terre. Hapa pa dunia mbele. Parmi les hommes. Baba mubaya tutu. Hakuna mutu. Ne veut dominer avec une autre personne. Anapendaka anze kutawala na mutu mwingine. Mimi kuna tawala na mutu mwingine wana tawala. Quelqu'un d'autre domine. Anapendaka. Et tu ne seras jamais content. Lorsqu'on vous donne des responsabilités, il aime rester chef lui-même. C'est la vérité. Il est nous quoi. Lorsque quelqu'un, l'homme est comme ça, maintenant, Mungu est vite à quoi il est Seigneur. Il veut régner sur na toi. Il veut régner sur toi. Seigneur. On appelle à tawale yemo ya sabwana. Si toi tu ne veux pas que lui puisse dominer comme Seigneur, comme Dieu, et toi aussi, ne demande pas dans ta vie que Dieu puisse agir. Il agit. Et on attend à ceux qui ont accepté. Kwa bale, dans la vie de ceux qui ont accepté. Mumaisha ya bale barichika kutoka. Comme Abraham. Sa Abraham. Quand il a accepté, il a quitté, anatoka, la bénédiction na baraka inaanza kumfuata. Israël. Israël. Mu Égypte. En Égypte. On les a arrêtés. Joseph était là. Joseph était à Kouyapu. Banduku yake bana mufuata. Et tes frères l'ont suivi. Banazala batoto. Ils ont batoto bana komeya. Les enfants ont grandi. Bale bari juaka Joseph. Et les gens qui connaissaient Joseph, le pharaon qui connaissait Joseph, il était déjà. Et après Israël à la fois du Bamini, Israël, ils sont devenus très nombreux. Et les Égyptiens se sont dit, déjà ici ils vont dominer sur nous. Ils vont nous tuer un jour et nous ravir notre pays. Alors, nous allons dominer sur eux. Alors nous allons les rendre esclaves. Et ils ont pris les Juifs, ils sont devenus leurs esclaves. Israël, Israël était un peuple de Dieu. Il croit une taïfa à Mungu. Mais Mungu ne se manifeste pas à Israël. Israël était esclave. Israël, il croit à tout moi. Alors il est descendu. Mungu anashuka. Pour faire quoi? Libérer d'abord Israël. Et pour libérer Israël, Israël devait accepter la délivrance. Alléluia. Amen. Comment Israël a laissé qu'à au Congo? Okay, Israël accepte la délivrance. Alors que Dieu va nous accepter, et Dieu va maintenant agir au milieu d'eux. Alléluia. Amen. La délivrance, Dieu nous donne ça. Au Congo, c'est pour être parti. Pour que la délivrance entre dans notre vie, nous devons l'accepter. Nous devons prendre la décision d'accepter cette délivrance. Et lorsque vous acceptez la délivrance, c'est alors que la délivrance va entrer dans votre vie. Et si toi tu n'acceptes pas la délivrance, tu verras, les autres sont délivrés à côté de toi. Mais toi tu vas chanter la délivrance, mais tu n'auras jamais la délivrance. Israël, ils ont commencé à souffrir en Égypte. Et Mungu anashuka vers Moïse. Il dit Moïse. Ah bien, Moïse Moussa. Je vis la souffrance d'Israël. Naona mateso ayuda. Et je suis descendu. Namina shuka. Lisons ça. Tout somme. C'est dans Exode 3. Nemukutoka tatu. Exode 3:7. Kutoka sura ya 3. L'Éternel dit. Ça c'est devant Moïse. Mais l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon père qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Dieu m'a dans des différents problèmes par lesquels nous traversons. Il n'a pas besoin qu'on puisse venir lui expliquer, va nous faciliter. Lui, il aime que nous prions et lui, il sait. Et il voit tout. Parfois, tu peux être là. C'est-à-dire, on ne se croit pas aller. Tu es accablé par des problèmes. Tu penses que Dieu est devenu un aveugle. Il dit, je suis. Et je suis descendu. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et pour les faire monter de ce pays. Dans un bon Mouichi, et vaste mzuri, pays, munene, dans un pays où coulent le lait et le miel, na dans les liens qu'habitent les Cananéens, les Étiennes, les Amoréens, les Phéréziens, les Évésiens, et les Égyptiens. Voici tazama, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Nifikia, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Lui-même, il est descendu. Pour la délivrance des enfants de Dieu, c'est Dieu lui-même qui descend. Pas un homme. Lui-même il descend. Il dit maintenant Moïse. Vous voyez ici. Même Moïse lui-même. Il devait aussi accepter l'envoi de Dieu. Il est akumutuma kwa Mungu. Wende mimi nakutuma. Vas-y. Moïse devait aussi accepter. Moïse devait aussi obéir. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je? Vous pouvez me prendre moi et m'envoyer auprès de Pharaon pour aller libérer les Juifs. Moïse pouvait dire à Dieu, je n'irai pas. Mungu alipashi kumwatikishia Musa. Juu Moïse atoke ende kwa Farao. Na pale Moïse anaanza kwenda, indevepa yale tout droit chez Farao. Non. Il va apitie mbele kwa Israël. Abakikishie mbele watoto wa Israël. Israël. Et puis d'abord accepter les choses de Dieu. Accepter de quitter. Accepter que Moïse était serviteur de Dieu. C'est alors que Dieu va commencer à agir. Et ce n'était pas une tâche facile. Pour Moïse. Quoi Moïse? Israël. Et ils entendaient parler de leur Dieu. Mais et ils sont en Égypte. Il était sous oppression. Autant à Mungu Il faut convaincre. Il fallait convaincre Israël. Et avec quoi aller convaincre les Juifs? Moi d'abord là, je suis en train de nier. Et ce sont ces gens-là qui vont accepter ce que je veux dire. Et ça ne me concerne pas, Seigneur. Quand Dieu appelle quelqu'un, il refuse toujours. Après Moïse a dit, ok. Moïse a dit, maintenant j'irai vers les enfants d'Israël. Je lui ai dit, notre Dieu m'a envoyé. Quel est son nom? Nico. C'est ça mon nom. John Gina. De génération en génération. Bizazi na bizazi. 16. Comme la fille. Rassemble les enfants d'Israël. Ukusanisha watoto wa Israël. D'abord chez Pharaon. Hapana, uchanzie kwa Faraon. D'abord chez Israël. Anzia pume kwa watoto ya Israël. Parce que Israël, banapasha, ils doivent accepter leur délivrance. C'est alors il va quitter. Et si tu n'as pas encore accepté ta délivrance, tu ne seras jamais sauvé. Toi-même d'abord. Amen. on ne peut pas m'expliquer l'histoire de Saül. Où est-ce que tu as si j'accepte. Kama mwenye mechika mbele, ya se mecha kukolewa, na mita kwa na nguvu ya kufasilia, ya kushudia, miye uyu. Mili kwa mtenda zambi, na leo Yesu aninyokoa. Bile mi mwenyewe mili onji. Seke mwa mwenye mecha experimente. Israel d'abord lui-même. Israel ye mwenyewe. Devait reconnaître Moïse. Kumutambua Moïse. Kumuchikia Moïse sa Mungu jua na mutuma. C'est pourquoi Moïse. Donc comment na Moïse. D'abord aller chez Israël. Na alipasha kuanzia hapo kubaji Israël. Israël, Mungu wenu njua ni nituma. C'est Mungu kan. Si a tu ya mujua. On l'a jamais connu, on l'a jamais entendu. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahim. Mungu wa Isaac. Qu'est-ce qu'il a fait? Anafanya nini? Il dit. Rassemble les anciens d'Israël. Ukusanishe wazee wa Israeli na upate kuambia wa milele. Mungu wa babu zenu alionekania Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na wa Yakobo. Anasema mimi miona na mimi naona bile beko nimefanyia mu Misri. Na mimi nasema temitosha mtoke mu Misri. Mule Mungu nateswa muicha wa Kananea ya Waetieni na wa Amorea wa Ferezea wa Evien na wa Jebisien muinchi moya mune Mungu natoka maziwa na sali boba tashikia bila utasema na we utaenda pamoja na wazee wa Israeli kwa mfalme sasa wa Misri na mutamwambia sasa wa milele Mungu wa Ibrania alitonekania uturusu sasa tupate kufama siku tatu ya safari mujangwa juu ya kwenda kumtolea sadaka wa milele Mungu wetu. Na Mungu alisema vitu pale minaluka Moïse répondit et dit sura ine mustara ya kwanza Musa kajibu na kwambia tazama abate nyamini vale bantu ces gens là ne me croiront pas. Et ils n'écouteront point na, ma voix. Abata shikia tabi na sema. Na kia na sema. L'Eternel n'était point à Paris. Wa milela shikukone kanie. L'Eternel lui dit. Wa milela kawambia. Ukuna nini mkono yako. I miracle. Duku, se miracle. N'était pas pour les Égyptiens. Aikukwe kwanza jua wa Misri. C'était d'abord. Kwanza. Pour Israël. Ilikuwa lijua wa Yuda. Wa Israël. Israël d'abord. Israël kwanza. Puisse voir. Apate kuona. La puissance de uwezo ya Mungu wake. Duku dada. Hakuna namna. Il y a pas moyen. Ya siku mutemwanye Mungu wewe. Que nous nous puissions témoigner notre kama Dieu si nous-mêmes nous n'avons pas encore vu la puissance de notre Dieu. Mais là, pour que je puisse témoigner, il doit manifester d'abord sa puissance et c'est alors que je vais commencer à le témoigner. Cette jeune fille. Où vit-il? Qui était dans le cas des Syriens. Qui était dans leur pays. Dans la maison de Naman. Elle connaissait Dieu. Et si Naman était dans notre pays, là où il y a des prophètes, Dieu devait lui guérir. Comment tu peux témoigner un Dieu? Mungu moya. Même tu ne connais pas. T'as choisi à Nîmes. Israël lui-même. Israël y est mouillé quoi? Il devait d'abord voir. Il passe à courionner à. Ouezo ya Mungu wake. Et après de prendre la décision. Kumbe basa sa mupango. De sortir. Y a beaucoup toka. Après na mulendani. Non pas parmi eux. Israël en a sema non. Israël s'est dit. Mina bakia mina mupango mu Égypte. Moi je vais demeurer en Égypte. Si Dieu veut agir, qui vient agir tellement ici. Après na banduku yangu. Kama wengariki mutumwa, Mungu hata tena mutumwa wako. D'abord, sois libéré. Ichika me kwa uru. Et la libération. Na kuku uru. La délivrance. Ukombozi. Tu dois toi-même l'accepter. We mwenye unapasi kuichika. Elle est là. Sababu, eko vuku wako. Dieu a déjà voyé le salut. Le salut est là. C'est à toi d'accepter ton salut. Tu es dans les mensonges. Bongo quoi? Mbima Kabila, tu es là. Et tu veux encore? On nous a dit, hein? Aristo Ambia, c'est ma. Chez Kamilango, Adui, Apana. Ça, ce n'est pas pour toi. Il est Aina Yako, Ingariki, Moutoumoua. Moutoumoua, Awezi Kusika, Milango, Adui, Ake. Abacha Mouchine, Abacha Mouina. C'est la vérité. Il y a quoi? L'ennemi t'a déjà saisi là. Et puis, comment est-ce que tu vas aller posséder ces bons? Toi d'abord libre, ouru. Et ta liberté là, ouru yako. Toi-même, tu dois accepter que je suis libre. Tu dois accepter. On est chikambele. D'être libéré. Ou pas te bakwachiri ou quoi ou asi. C'est ce qu'Israël devait. Joël Israël a pas souffert. Moïse anenda. Moïse est parti. Et Dieu a dit à Moïse, jette le bâton, il a jeté, et c'est en commun un serpent, il a pris et s'est retourné le bâton. Et Dieu a dit, ça va. Moïse, mets ta main d'abord dans ses essais. Il a placé sa main dans ses essais et c'était le preux. C'était comme ça. Et quoi ville? Et quand Moïse est parti devant Israël, Moussa est nommé l'Israël. Il a fait les mêmes choses. Il a appelé tous les anciens. Votre Dieu m'a envoyé. Ah Moïse, qu'est-ce que tu es venu? Toi n'est-ce pas tu as fui ici? Si toi tu étais avec Dieu, pourquoi tu avais fui? Comment ça? C'est là que tu allais nous délivrer. Parce que tu avais la force. Tu avais l'intelligence. Tu devais être même le chef ici en Égypte. Mais tu nous as déçus. Tu as pris fuite. Tu nous as abandonnés dans la souffrance. Et tu es revenu encore que nous puissions te croire. Arrête-nous cette chose. Abikwe bien pensi. C'est la vérité. Nous quoi? Il fallait convaincre Israël. Fallait Kubaki Kishia. Moïse, tu as pris fuite ici. Et puis tu es revenu. Là, tu étais jeune. Tu n'as rien fait. C'est maintenant alors que tu es devenu vieux comme ça, Moïse. Dieu ne regarde pas l'âge, Ndukuyangu. Quand on a fait Kutenda, peu importe l'âge que tu as, lui va agir. Il a jeté les bâtons par terre, il s'est transformé en serpent. Ça zingine, hein? Nazana, ça zingine. Moïse, arrête. C'est les gens de Pharaon, les Jeannès, les Jambres. N'est-ce pas dans des fêtes ils le font aussi. Maintenant, toi, tu vas me prouver comment? Elle dit, attendez, c'est bon, envoyez encore. Il a placé sa main sous les essais, il a fait sortir, ça s'est transformé en lèpreux. Il a retourné et c'est devenu saint. Moïse, là, on essaie de voir que tu es devenu un peu sérieux. Il a pris de l'eau, il a jeté et l'eau s'est transformée en sang. On a dit, ah, okay. Là, ça va maintenant. Là, nous acceptons maintenant. Wakat Israël, Barichika. La délivrance Kombozi, Israël était délivré. Joe Israël a ricombolé. Mes frères et sœurs, Nukudada, même le Saint-Esprit, c'est nous-mêmes qui faisons tarder encore le Saint-Esprit loin de nous. Chacun de nous ici, il a le pouvoir de recevoir le Saint-Esprit maintenant. C'est à toi de l'accepter. Niwenjo akuichika yo. C'est la vérité. Nukweni. Et quand Israël a accepté, donc, Moïse a pas savoir. Moussa, là nous sommes d'accord maintenant. Fait, tout ce que tu as fait, nous sommes maintenant d'accord. Dieu t'a envoyé. Et là maintenant, ils ont commencé des processus mandaman. Ah, ils sont allés des processus, il faut aller voir. Et maintenant quand Dieu a agissé, il agissait pour prouver à Pharaon. Juste à commencer à Pharaon. Na kwa batu bengine. Que le Dieu des Hébreux. Yasema Mungu wa Hebrewania ni Mungu wa uwezo yote. Parmi Israël. Katikati Israël. Peut-être nous dis ay kuku yake. Il y avait pas beaucoup de miracles. Il était encore en Égypte. Mais bari kwa bengari ki mumi. Il devait sortir. Bari pasa kutoka. Wakati banatoka. La présence de Dieu était à part. Ah, wapi ya Mungu aseka baurekania. Amen. Tu ya nini banatoka pasa mkutumwa. Ils sont sortis dans les esclavages. votre sortie, elle va vous sortir, et la présence de Dieu se manifeste maintenant dans ta vie. Parce que vous en avez moto, vous avez comme un écanier, vous avez comme vous en avez moto, il a comme un écanier, ni pas les balatoka, bananza kwenda. C'est là que Dieu s'est dit, là vous êtes devenu mon peuple, et je suis au milieu de vous. Amen. Si toi tu es encore dans des histoires, je ne sais pas dans les histoires où tu es, tu dois d'abord quitter dans ces choses-là, et lorsque tu sors, c'est alors que la présence de Dieu va descendre, et tu verras Dieu marcher avec toi. Tant que tu gardes encore les choses du monde, Dieu ne viendra pas. Mungu atakuyaka. C'est un... Ce sujet, Yushina. Ou ces paroles de bénédiction, voilà. Malaga, ne sera pas pour toi. Aina etakuweka yako. Tu dois d'abord sortir. Unapasa kwanza kutoka. Quand vous sortez, kati unatoka, alors là Dieu, Jo pale Mungu sasa, anakuwa na mwenye. Et il vous accompagne. Na ananza bishindikiza. Quand Israël a accepté, kati Israël a ichika, et il est sorti, na anatoka, présence ya Mungu sasa. La présence de Dieu est descendue. Ils ont commencé maintenant. Voir Jésus, feu, la nuit, la colonne de feu, et la nuit, la journée, la colonne de nuée. À quoi parle? Quand Israël pouvait crier, quand Israël était sous la mika, Mujango. Après la sortie, il s'est retourné. Quand il pouvait crier, Moïse, alors dans la mika Moussa, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'eau. Et en Égypte, même s'il pleurait, nous n'avons pas d'eau. Il n'y avait pas de rocher là où on pouvait frapper pour que la rocher puisse jaillir d'eau. Ils étaient encore esclaves. Et c'est lorsque ils ont quitté, alors que le rocher a commencé à les accompagner. Et lorsqu'ils sont arrivés au désert, et la souffrance est arrivée, alors qu'ils ont crié, et Dieu est descendu. Si tu es déjà sorti, la souffrance arrive. Lorsque tu cries, Dieu entendra, il va t'écouter. C'est la vérité. Les choses de Dieu sont simples. Bitu ya Mungu ni vya si biko teke teke. Ni sinjo tunefaya bila kwa bia nguvu nguvu. Kushika milango ya adui. Hawezi kushika milango ya adui. Wakati yote uingariki mtumwa wa ule adui. Sababu adui wetu ni shetani. Na wakati wewe uko mdunia, uko naishi mzambi, uingariki mtumwa wa shetani. Alors tu as possédé ma porte hier. Comment est-ce que tu vas posséder les portes destinées? Il domine sur toi. Et on a kutawala. Ça te sera difficile. Il t'a couillé en gouffre. Israël devait prendre la décision. Bah, parce que vous avez un pango. D'accepter Moïse. Il y a beaucoup de choses à Moussa. De croire en Dieu. Et de sortir. Quand ils ont pris cette décision. Wakati avait le mpango. Et ils sont sortis. Na banatoka. Dieu s'est manifesté. Mungu ajionekanisha. C'est la vérité. Nous encore Ruth. Ruth la Moabite. Ruth Moab. Elle aussi frère. Naïe. Elle devait aussi prendre une décision. Elle mpango. Accepter. Na kuchika. Abandonner son peuple. Kuacha taifa yake na kwenda na. Mes frères et sœurs. Ndugu yangu. Kama Ruth sikuchiki yake kwenda na Naomi. Si Ruth n'avait pas accepté de partir avec Naomi. Aujourd'hui ici. Atushiki yake mambo ya Boaz. On ne pouvait pas parler de Boaz. Tunasikia mambo ya Boaz. Nous parlons aujourd'hui de Boaz, nous attendons. C'est parce que Ruth a accepté de partir avec Naomi. Kwenda na Naomi. Alléluia. Amen. Quand elle a accepté wakati de partir. Anechika kwenda, jo pale. De Boaz, jina ya Boaz inatokelea mu Biblia. Quand tu acceptes, wakati unaishika, kuacha zambi, na kumfuata neno la Mungu, jina ya Boaz wetu, jo itaonekana maisha yako, ni kweli nduku, si kama auichike, jina ya Boaz, kama uichike, jina ya Boaz itakuwa maisha yako, Boaz wetu, ni Bwana wetu Yesu Kristu. Le grand roi. Nous parlons même Kouboa. Écoutez. C'est Ruth. Ruth. Quand Naomi a perdu ses deux fils. Wakati Naomi a perdu ses deux fils. Et son mari. Na bwana yake na kufwa. Ses deux fils qui étaient Kilijon et Maklon. Batoto yake Kilijon na Maklon. Quand ils sont morts. Wakati alikufa. Ils ont laissé deux veuves. Bariacha na boba yani bawili. Naomi anasema, "Eh Mungu." Naomi s'est dit, "Seigneur." Il a visité Israël. Il a visité Israël. Et je vais rentrer encore dans notre patrie. Orpa et Ruth se sont dit, maman, en tout cas nous allons partir ensemble. Naomi a dit, attendez d'abord. Je ne peux pas aller avec vous. Restez dans votre pays. Moi, je rentre dans notre pays. Orpa, elle a pleuré. Également Ruth. Orpa, elle a pleuré. Elle a embrassé Naomi. Elle est rentrée. Ruth, elle a pleuré. Elle a embrassé Naomi. Elle a dit, je n'irai nulle part. Je ne te laisserai jamais. Alléluia. Là, je ne reste pas dans ce pays. J'irai avec toi. Arrivé à Mupango, yakwenda na Naomi. Arrivé à Mupango, yakwacha mabisela yabo, yakwacha taifa yake. Et c'est là où elle avait grandi. Mais malgré tout ça, elle a accepté de quitter pour suivre Naomi. Et ce qui va arriver, ça va me trouver. En Israël, je n'ai jamais été là-bas. Mais la maman ici, et la façon dont j'ai vécu avec elle, c'est une bonne personne. Alors si je la suivais, et là où je pars, je vais trouver de bonnes choses. Et Jésus-Christ, nous l'avons déjà vu. Nous n'avons jamais vu Jésus, même pas entendu Jésus. Mais nous savons que lorsque nous suivons ce Jésus, nous aurons le bonheur à la fin. Nous croyons. Je n'ai pas besoin que tu puisses me montrer Jésus. Nous n'avons pas besoin. Yakumona Yesu katika onyo. Apana. J'ai entendu sa parole. Elle a touché mon cœur et je le suis. Tu l'as déjà dit non. Apana. Ou ça vous tient quand on a ses mains. Apana. Dina nabile biote de mambo. Neno lake. Inesha kugusa roho yangu. Nami na sejo ya kweli. Rita l'a dit. Rita l'a je ne parle pas. Mais je t'aime. Écoutez. C'est Rita Sura qui a parlé. Naomi dit à Rita. Naomi a dit à Rita. Voici ta belle sœur. Si Bibi Mwanja koye oule. Anarudi ya kutaifa ya inu. Et vers ses dieux. Na kubami ungu ya abo. Tourne comme ta belle sœur. Na weye sa Bibi Mwanja ko surudiye. Regarde tes amis. Vous entrez tous au tabernacle. Ils ont quand même un peu de gris-gris, ils fréquentent quand même les devins, ces choses ici, les devins. N'est-ce pas, c'est ton grand-père qui t'a légué ça. Moi, je n'ai pas besoin de les imiter. Dans les choses de Dieu, c'est chacun pour soi. C'est la vérité. Je devais moi-même Mimoya. Posséder les portes de l'ennemi. Tachika milango ya abu. Mimoya. Regarde ta belle sœur. Je lui répondis, ne me presse pas de te laisser. Afuma moshini kaze ni kwachi. De retourner loin de toi. Niende mbari na wewe. Utira. Kulo tena. Mwari. Mieri. Jire. Ntaenda. Utu demerera. Palo tekala. Je demererai. Jo parent tekala. Ton peuple. Taifa yako. Sera mon peuple. Itakuwa taifa yangu. Ton Dieu. Mungu wako. Sera mon Dieu. Atakuwa Mungu wangu. Alleluia. Amen. Je n'ai jamais vu. Shia onaka. Si à Monaco, si vous jouez, mais mina beba mupango, mina muchakula, Mungu wako ule, atakuya wangu, ah, Dieu aime de telles choses. Quand elle a regardé, elle a dit, la dame ici, elle m'a touché. Alléluia. Amen. C'est très bon du coup. Possédant les postes de l'ennemi. Milango ya adui. Vous ne pouvez pas posséder. A moi, si vous restez encore. Kama unabakia paka mudunia. Non. Hapana. D'abord sortez. Toka kwanza. Prenez la décision. Beba mupango. La décision est personnelle. Mupango ni akila mtu paluake. Toi-même. Naomi la voya décider. Naomi akamona namna toi ibaba mupango. Aller avec elle. Ya kwenda naye. C'est ça ces instances. Anakita kumukazi tarudi. Madame, ma fille ici, de telles décisions, je ne saurais pas la convaincre. Notre famille doit dire comme ça. Nos familles doivent dire comme ça. Un service, si vous touchez à son Dieu, vous ne saurez jamais. Touchez à tout ce qui lui appartient. Mais n'osez jamais toucher à son Dieu. Là, vous ne serez jamais d'accord avec lui. Nous quoi? Comment toi, tu as emporté à tout moment, c'est moi ta maman, c'est moi ton père. Je t'ai dit, avec la situation que tu as, je vais t'amener chez les potos. Toi, on t'amène même chez les potos. Toi, tu es vraiment terre à terre. C'est à eux de venir à toi. Mais toi, on t'amène chez eux. C'est compliqué. Dis qu'on ouvre. Naomi. Ruth. Elle a pris la décision. Arrivé à Mupango. Et quand elle a pris la décision. Quand elle est Mupango. Elle est partie. Arrenda. Arrivé, elle dit à Naomi. Je dois aller glaner un peu ça et là. Et en allant. Par grâce. Elle est tombée dans le champ de Boaz. Frère, sœur. Dukudad. Kama Kiljon. Sik Kiljon. Na Maklon. Et Maklon. Ils étaient restés en vie. Ruth ne pouvait pas rencontrer Boaz. Akupasa ke kukutana na Boaz. Il fallait que ces deux hommes mourissent. Bale kijon na makro bakufwe. Et le mari de Ruth, il fallait qu'il soit décédé. C'est alors que Boaz va apparaître. Mwakati de kijon na makro. Ainsi que Balkom Boazima. Boaz a choukou yake. Boaz ne devait pas être cité. Boaz n'existait pas. Achoukou yake. Mais quand ces deux hommes sont morts. Mwakati le bale ba deux va la coupe. Alors, Boaz, je parle Boaz, Anna Orekal. Alléluia. Amen. Tant que tu as encore le monde en toi, qui donne qui condamne Yahweh. Ton mari là le monde. Bwana yako le dunia. Si n'est pas encore décédé, notre Boaz ne peut jamais apparaître. Si tu veux que notre Boaz apparaître, que la mondanité puisse mourir en toi, et lorsque la mondanité mourra en vous, Bwana Yesu Christu, Boaz ouetu, tu as taonekana maisha yako. C'est la vérité. Boaz a réussi à couiller. Il devait venir comment? Ça me fait hérite. Et que puisse capouiller hérite. Ah bah non. Notre Dieu ne s'écapouille jamais. Il prend ce qui lui appartient. Si tu ne lui appartiens pas, il ne te prendra jamais. Alléluia. Amen. Si Maclon était encore en vie, allez, quoi, pas, Boaz ne pouvait pas Boaz n'a pas ce coucouillard. Il fallait que Maclon puisse mourir. Il fallait Maclon en couple. Que Ruth reste seule. Ruth avec Yemoya. Zev. Mouyane. Alors Boaz. Ça Boaz. Vous pouvez venir. Je vais passer couille à ça. Je vais me récupérer. Pour récupérer maintenant Ruth. Que le monde meure en toi. Qui donne à qui yako, si la mondanité meurt en vous, c'est alors que Jésus-Christ va se manifester dans ta vie. Si la mondanité est là, ou ta homme bien boulé, c'est la vérité. Que tu sois voleur, et puis avec Boaz. C'est compliqué. Niambo angu. Ndumba, et prostitué, et avec Boaz. C'est compliqué. Niambo angu. Tu as des prostituées. Et avec Boaz, il a quoi angu? Que Maclon, Maclon, que Kiljon, Kiljon puisse mourir à toi. Ndani à Koufoué, et Boaz à Taonikana. C'est alors que Boaz va apparaître. C'est la vérité. Mouquen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont été en train de se faire. Ils veulent avoir un monde. Et Jésus. C'est difficile. Mais que le diable agit dans sa vie. Et que Dieu vient aussi agir. Vive le Congo. Vous voulez vaincre le diable. Mais tu vis ce que le diable te dit. Comment est-ce que tu vas arriver à vaincre le diable? Quand elle a quitté. Wakati aritoka. Elle a rencontré Boaz. Anabumbana na Boaz. Nani na mule. Et il est parti là-bas. Elle l'a dit. Il était riche. Alcom t'agir. Quand elle a appris, elle a dit à sa à Naomi. Kati alifika amwambia Naomi. Naomi. Naomi. Angaria. Regarde. Miri glané lewa. Aujourd'hui, j'étais parti glaner dans les champs des noms. Et son nom, on lui appelle Boaz. Ah. Je dis, oh, Naomi. Où le Boana? Cet homme-là, Mouchiki, Niwapi. Mbili, Mounan. Deux, huit, je pense. C'est là, qu'est-ce qu'il dit? Boaz dit à Ruth. Ah non, ça c'est Boaz qui dit à Ruth. Quand Boaz a rencontré Ruth. D'abord, je vais lire ça. Quand Boaz a rencontré Ruth. Écoute, Boaz dit à Ruth. Boaz a cambié à Ruth. Écoute ma fille. Abintu wangu. Ne va pas glaner dans un autre champ. Ushende kulokota mingi mashamba ingi. Ne t'éloigne pas d'ici. Ushende mbari na hapa. quand tu es venu ce soir, wakati ulikuwa mangaribi, pour ta première fois, mala, wala mala quand kwanza, tu étais venu, palo lukuyaka, tu as écouté pour la première fois, mala ya kwanza, cette vérité, yukweli, tu as rencontré Boaz, ulibumbana na Boaz, qui est le Seigneur Jésus, mwenye kuwa Bwana Yesu, et c'est Boaz, na ule Boaz, il te dit ses paroles, anakwambia maneno, même ce soir, ata mangaribi, c'est Boaz que tu avais rencontré, ulibumbana naye, répète ses paroles à ton anasema oreille, tena kumashito yako, anakwambia, ne parle jamais dans une autre église, usikapimaje kwenda kanisa ingine. Amen. Bakia hapa na usikie sauti ya Mungu hapa. Écoute ma fille. Sikia binti yangu. Ne va pas glaner dans un autre champ. Usiende kulogota mashamba hili. Ne t'éloigne pas d'ici. Na usiende mbali na. Reste avec mes na bakia na bijakazi yangu. Regarde. Angalia. Ulo mwasona. Ule beko na vunja minji kumashamba. Na wende kumbukongo wale na vuna. Mina kataza batumishi wangu. Basi kwa ndane. Na kama unasikia mwamai. Utenda kumutungi. Na kukakunya kuile mutungi. Ya bale batumishi wale shota. Papu le visiteur. Tu meserviteur. Dès qu'ils vont puiser. C'est là que toi. Tu iras boire. Na mutumishi. Ule Mungu alitumia hapa, ule Mungu alitutumia mwi ujumbe bana tapulaka. Ah, on prend seulement kule Mungu alimpatia. Là où Dieu lui a donné, il a donné Abraham, il a donné Abraham, il a donné Franck, la chier, tout le monde a coupé pour la moule, nous te donnons toi, tu vas voir, dans sa boise, donc on a pas mis, dès qu'eux vont puiser, c'est ce que tu vas voir. Alors, elle tomba sur sa face, elle se prosterna contre elle, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux, namna kani mina pata tu nema kumancho yako, pour que tu t'intéresses à moi, juu upate kunyangari yako, à moi qui suis une étrangère. Mio, niko mugeni. Boaz lui répondit. Boaz a la mouji. On m'a rapporté. Afbanesa kunyambia. Bile bioto rifanya. Juu ya muko yako. Depuis la mort de ton mari. Tarikia pale buwanaki ya kubana wa kukua. Na namna kazi uriacha baba yako. Unacha mama yako. Na hata inchi mulo rizalikia. Ya kuya muinchi. Ile aukuku wake. Oparavo. Mwanzo. A cause de ça. Kwa jile ya bile bioto rifanya. Je parle de mi Boaz, mina kupatia inema yote. Amen. Pourquoi? Parce que toi, juweye Ruth, ulichika kutoka. Unatoka. Unatoka. Sawa zilo ulichikia kutoka. Donc tu as accepté de quitter. Manema yote. Et toutes les grâces, je te l'accorde. Ma bénédiction et yote. Et toutes les bénédictions, je vais te l'accorder. Tu as accepté aussi. Ulichika na wewe kutoka. Comme tu as accepté kutoka, alors ton Boaz te dit, Boaz wako na kwambia, mabaraka yote, comme tu as accepté de quitter, les kutoka, salut, c'est pour toi, yako, comme tu as accepté de quitter, kutoka, la guérison, matuzo, c'est pour toi, yako, comme tu as accepté de quitter, kutoka, la consolation, faraja, c'est pour toi, yako, comme tu as accepté de quitter, kutoka, le secours, oh, musada, c'est pour toi, yako. C'est la vérité, Mkweli. Les problèmes, mambo, accepte de mbele utoke. C'est la vérité, Mkweli. Si tu acceptes de quitter, comme on est qui alors, sas, toutes ces choses seront pour toi. Il t'aura bien. C'est la vérité. Nous quoi? Naomi pouvait dire. Mais Rose Femme, par la ma fille, laisse-moi. Acha, te rassurer. Ni quoi qui kishie? Ton repos. Ma pumziko yako. Ukuna finyanga. Là où tu as piétiné. Ah, c'est bon. Laissez-moi te dire. Là où vous avez foulé votre pied. C'est bon. Dis pas bien, frère. C'est au bon endroit. Il fallait qu'elle quitte. Fallait qu'elle pour recevoir toutes ces grâces. Genre pour qu'elle m'aide ma yote. Et dans le Nouveau Testament, non, c'est la même chose. Ni mambo mamou, si tu ne quittes pas, kama utoki, tu n'auras rien. Ah, ou c'est pourquoi j'aime Dieu. Tu pouvais arrêter Jésus. Yesu. Tu pouvais lui dire, Bwana. Ah, non, Seigneur. Tu vas m'amener là-bas. Arrête-toi un peu. C'est une question. Niko na yakuliza. Alléluia. Amen. Si aussi une question. Ah ouais. Ou qu'on a oublié. Si aussi une question. Ah ouais, qu'on a oublié. Ah. Ok. Nous allons, allons, lisons. Moi et toi ce soir. Minawe Mangaribi. Est-ce que tu as aussi quitté? Et tu n'as pas quitté. Faire ou ça kutoka. Vas-y quitter. Ça n'a pas quitté. Ma soeur, vas-y quitter. Pose-lui aussi cette question. Nami, tu m'oulises. C'est dans Matthieu 19. Matayo, on lui pose cette question et on a. Ana m'oulises, tu m'oulises ou lise autre. Mamichi. Écoutez. Mushiki. Dans Matthieu 19, 27. Pierre prena alors la parole. Pierre trouva sa hôtesse. Lui dit. Ambia. Voici. Ta zame. Voici. Ona. Nous avons tout quitté. Tunacha bioti. Certainement. Akika. Ils ont d'abord quitté. Baritoka. Ou si t'as foutu ma baraka comme un homme. Si tu n'as pas de bénédiction, si tu n'as pas encore quitté. Kanisa, vous êtes là. Nous devons comprendre ça. Toi parce que oui. Pierre prena alors la parole et lui dit, voici, ona, nous là, Chiyab. Nous avons tout quitté. Tu n'as toqué. Et nous t'avons suivi. Na tu n'as qu'fouata. Ça sera-t-il pour nous? Ça, mais t'as quoi, j'ai quoi et tout? Benjamin on a pas proposé. Ouais, les autres tu les as proposés. Katala. Ils ont refusé. Mais moi j'ai accepté. Dieu. Il y avait les gens qui avaient des messages. Ils ont cru avant moi. N'est pas ils ont abandonné. Mais moi j'ai persévéré jusqu'aujourd'hui. Je t'ai pas abandonné. Est-ce que c'est la réponse? J'ai réussi. Malgré la souffrance. Malgré la souffrance. On m'avait proposé c'est les devins. Je suis pas parti là-bas. Je suis pas parti là-bas. J'ai refusé. C'est toi que j'ai suivi. Et ça sera comment? Tu n'as pas quitté. Baraka aïta kouya. Kama ungaï ki mudunia. Toi kamele mudunia. Tu ne verras pas la présence de Dieu. Tu es encore dans le monde. Wakati tu es encore dans le monde. Et là, il s'est manifesté. N'a pas les gens à Onekan. Ah, c'est bien ça. C'est très bon, avançons. Mon père est déjà là. Il dit, Jésus leur répondait. Je vous l'ai dit en vérité. Kweli ni kune miambia. Je vous l'ai dit en vérité. Kweli nous dans le fils de l'homme. Wakati mwana wa mutu. Au renouvellement de toutes choses. Watafanya vitu vyote upya. Sera assis sur le trône de Dieu. Vous qui m'avez suivi. Mwenye mnifuata. Vous serez de même assis. Mutakuwa na mwenye kukala. Sur 12 trônes. Pa vile bichi makumbi. Et vous digérez les 12 tribus d'Israël. Na mwe mutakuma ibizazi 12 ya Israël. C'était pour eux. Ilikuwa ni yabo. Écoutez. Mushike sasa. Et quiconque. Na yoyote. Mule quiconque. Mule mbule wote. Toi si tu es là. Moi je suis là. Quiconque. Nous avons suivi. Nous avons tout quitté. Amen. Nous avons tout abandonné. Tu n'as pas bien. Tu n'écoutes pas mon boulet. N'est-ce pas tu m'avais trouvé ivrogne? N'est-ce pas pour toi j'ai abandonné de prendre la bière? J'étais adultère. J'ai arrêté l'adultère à cause de toi. Tu m'avais trouvé dans le petit. J'ai arrêté cela à cause de toi. Mais ton cas mon bel. C'est la vérité. Nous c'est celui qui a déjà trouvé des choses. Il peut revendiquer donc, ses droits. Donc ça, on a aussi coupé ça, ça malalia mais qui si tu n'as jamais quitté, tu n'as pas à revendiquer. Mais là où quitte d'abord, c'est alors que tu vas revendiquer. Amen. Si tu as déjà quitté, dis-lui maintenant. La postérité d'Abraham. Dieu le qui, nous avons Ibrahim, Itachika, Milango Abadu, Job le Sem. Mais ami est où? Michaku Kwamine, Minatoka, Niko Uzawa Ibrahim. Sasa, Mina Penda Kushika, Milango Abadu Yangu. Alléluia. Amen. Je continue de dire. Et quiconque na yoyote aura quitté ou la tatoka à mon nom, du yang, ses frères, anati bazazi yake, ou ses soeurs, banduku yake, wala son père, baba yake, ou sa mère, wala mama yake, ou sa femme, wala mabi yake, ou ses enfants, wala watoto yake, ou ses terres, wala bulongo yake, ou ses maisons, wala manyumba yake, na atapokea. Combien de fois mara ngapi kanisa? Mara mia. Combien de fois au sensible? Mara mia. Et héritera na atariti uzima wa milele atashika nini au centuple banduku des soeurs badada des mères mamamo des maisons manyumba. Alléluia. Amen. Et il y a dans d'autres écrits, dans d'autres écrits dit ma traduction il n'y a pas et de la persécution na mateso yenyewe. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous nous levons. Accenti buona. Amen. Alleluia. Accenti buona.